Et je vais faire un entretien d'embauche. Salut Sophia, ça va? Je suis nerveuse parce que demain, je vais faire un entretien d'embauche. Et c'est un bon travail. Et c'est un travail de 9h à 14h. C'est un bonheur. De lundi à vendredi, je gagnerai 2000 euros. Et j'ai peur de ne pas passer l'entretien. Pourquoi? Tu as de l'expérience. Oui, j'ai travaillé pendant 14 ans et j'ai une bonne formation. Mes compétences sont plus grandes que de la concurrence. Oui. Mais je suis au chômage pendant 12 mois et le mois prochain, le chômage finira. Oui. Et je suis inquiétante et effrayante et pour les personnes qui sont pistonnées. Bon, ce n'est pas le même. Les personnes qui sont pistoliques et les personnes qui ont de l'expérience comme toi, parce que tu es travailleuse. C'est important dans un travail. Oui, mais j'ai peur de ne pas passer l'entretien. Bon, quand tu vas présenter dans cet entretien? C'est demain. Ah, demain. Oui, oui. Tu ne devais pas inquiéter parce que tu as beaucoup d'expérience dans ce travail. Les années dernières, les personnes qui ont travaillé avec toi ont été bonnes avec toi, surtout ton patron. Ah, oui. Mais la crise est arrivée à laisser ton travail. Mm-hmm. Mais tu ne devrais pas être nerveuse parce que ton expérience est présente dans ta vie. Oui, cette nuit, qu'est-ce que tu vas porter de vêtements demain? Un tailleur et une jupe et un veste et des souliers à talons. Oui. Et discrète. Oui, c'est important, la présence. Oui, l'image est importante dans un entretien. Je veux que tu aies beaucoup de la chance dans ton entretien. Et bon, au revoir, Sophia. Au revoir, Marie.